cette commémoration est très, très importante aujourd'hui à Bruxelles pour rappeler au monde entier d'abord ces crimes odieux, cet assassinat, comme dirait Thomas Gifford, cet assassinat de style colonial. Mais ce n'est pas seulement l'assassinat d'un homme, c'est l'assassinat d'un peuple, l'assassinat du rêve de tout un peuple, de tout un continent. Vous savez, Lumumba n'appartient pas qu'au Congo, Lumumba appartient à l'Afrique et au monde. Donc c'est pour rappeler au monde que les souffrances du peuple congolais, le chaos africain est lié à l'assassinat de Lumumba que nous sommes là aujourd'hui. Et aussi pour rappeler au monde entier que cet assassinat, que beaucoup croient qu'il va rester impuni, ne sera pas impuni. Et qu'il faut réparation, il faut que justice soit faite. Et donc ce crime est fondateur d'une nouvelle époque qui a démarré après 1960. Mais évidemment, ces crimes inaugurent du rêve brisé, inaugurent du néocolonialisme. C'est-à-dire le néocolonialisme il s'est traduit par l'azarianisation du Congo. L'azarianisation du Congo, ce n'est que la suite logique du néocolonialisme. C'est un projet néocolonial, le Zaïre. Hein? Et maintenant, nous sommes revenus au Congo. Nous disons au monde entier que le rêve d'un peuple libre, capable de se gouverner, et que ce rêve-là est toujours vivant. Et que ces rêves-là est incarné par Lumumba et les idéaux et les idées de Lumumba. Et ce manque de Lumumba par son élimination tragique, comment est-ce qu'il s'applique aussi à l'Afrique en général ? Mais vous savez, si vous regardez l'histoire de l'Afrique, vous regardez l'histoire des indépendances africaines, vous verrez que l'assassinat de Lumumba, c'est la victoire du néocolonialisme. Hein? Donc essayons juste de nous imaginer si Lumumba, tel qu'il l'est dit dans son projet du discours du 30 juin, il dit si vous nous laissez libres, si vous nous permettez de gérer ces pays, nous en ferons un pays de labeur, nous en ferons un peuple debout. Hein? C'est ça qui a été empêché à travers l'assassinat de Lumumba. On a refusé à l'Afrique le droit de se mettre debout. L'essentiel, c'est que le peuple congolais africain se met debout, récupère les idéaux des combattants de la liberté, dont Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah et bien d'autres, se remettre debout avec le peuple du monde entier, le peuple progressiste du monde entier, pour dire que l'Afrique a droit au bonheur. Est-ce que la prise de, conscience est la même chez les citoyens congolais vivant au Congo par rapport à la diaspora et aux Congolais voyageants que vous êtes, par exemple ? Non, je pense que la prise de conscience est un problème individuel d'abord, lié à son éducation, à son propre parcours. Chaque être humain est un être particulier. Il y a au Congo, moi je rencontre à Kinshasa des Congolais qui n'ont jamais quitté le Congo, qui ont une très grande prise de conscience, qui ont un niveau d'engagement progressiste qui est énorme. Et je connais ici en Belgique des gens de la communauté congolaise, ou ce qu'on appelle la diaspora, qui sont inconscients, dont le cerveau est dans le ventre. Donc ce n'est pas une question de lieu géographique, c'est une question de parcours, d'éducation et de culture populaire et savante liée à l'individu. Construire un avenir, construire une jeunesse, c'est d'abord lui proposer la grandeur de son histoire, son imaginaire. Hein. Et c'est tout ce travail qui n'a pas été fait durant les années néocoloniales et que maintenant, depuis que nous sommes retournés au Congo, les forces progressistes commencent petit à petit à se relever, à reprendre la mission lumumbiste, à travailler en profondeur. Mais il s'agit aussi de conscientiser nos jeunes dans nos familles par rapport à leur histoire. Lumumba, c'est d'abord leur histoire. Et que chacun prenne sa position, mais tout en ayant des informations historiques réelles. Pas tout ce qu'on a raconté durant ces 50 dernières années, qui est complètement faux. Vous savez, j'ai dit dans un de mes films, aussi longtemps que les lions n'auront pas de griots, toutes les histoires de la chasse seront à la gloire du chasseur. Pour le moment, on a écouté que les chasseurs qui a fait la propagande, qui a menti. Mais nous savons, nous, progressistes, forces humanistes, nous savons que l'histoire du Congo est une histoire de grandeur. Je vous donne un exemple. Lumumba et tous les combattants de la liberté. Quel était leur but ? D'humaniser les colonialistes. Humaniser les colonialistes. Parce que les colonialistes, ils déniaient les droits de l'homme. Donc les colonialistes n'étaient pas humains. Hein? En parlant de l'indépendance, c'était aussi une façon de dire aux colonialistes de devenir humains. Donc l'accession à l'indépendance a libéré, a humanisé les colonialistes, que lui n'était pas humain. Parce que tu ne peux pas être démocrate chez toi et exploiter les autres. La colonisation est un viol. Nous le savons tous, au niveau psychologique, sociologique, la colonisation est un viol. Et aujourd'hui, ce n'est pas « nous n'allons pas célébrer les violeurs hein. ». Nous célébrons ceux qui ont mis fin à ces viols. Le viol est un acte répréhensible et indélébile. La proposition de Lumumba et des Lumumbistes, c'est de créer un pays libre. Un pays libre avec un gouvernement et une économie transparente. Mais ces gens-là, depuis des siècles, exploitent l'Afrique. Pour eux, aussi longtemps qu'ils tiendront les Africains sous le buisson de ténèbres, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent continuer l'exploitation de l'homme, l'exploitation du Congo, sans que le Congolais eux-mêmes puissent en jouir. Donc, tout d'un coup, ils ont en face d'eux un homme, un visionnaire, qui leur dit non, ça ne va pas se passer comme ça, parce que la proposition, le rêve, c'est de faire que ces peuples soient heureux. Les peuples soient heureux. C'est ce rêve qui a été brisé. Si on prend la colonisation zaïroise, c'est déjà un contre-rêve. Hein. On a dévertébré un peuple. Mobutu lui a dit « Heureux le peuple qui chante et qui danse hein. ». Donc, alors que Lumumba, la proposition de Lumumba, c'est de dire « un peuple de labeur ». Le debout congolais, dressant nos fronts longtemps courbés. Par le labeur, nous construirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur. Et ça, c'est une des plus grandes propositions sociologiques et philosophiques qu'on ait entendues dans la lutte. Par le labeur, nous construirons un pays, c'est-à-dire travailler. En travaillant, nous construirons un pays plus beau qu'avant. Et on est venu nous faire un peuple de vertébrés, un peuple de heureux, le peuple qui chante et qui danse. Donc, vous voyez, on nous a amené une contre-proposition qui a tué le rêve. Mais le rêve n'a pas été tué, dirais-je. Il a été brisé. Et petit à petit, nous recollons les morceaux et le rêve est en train de se mettre debout. Le rêve est en train de se mettre debout. Mais vous savez, il ne s'agit pas de dire demain. Non, nous sommes sur la voie de recoller les morceaux et de mettre ce rêve debout.